me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'avons-nous sous les yeux ? Pourquoi avons-nous des raisons de douter de la force du vrai ? Pourquoi Michel Foucault s'est-il intéressé aux effets de vérité ? Qui avait-il avant la raison d'État, la crédulité imposée par l'Église ? Que dit Machiavel avec le lion et le renard ? Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, spécialiste du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'Italie, nous entraîne cette semaine dans une enquête sur les fictions politiques de l'avènement de la post-vérité, soulignée par le Web et le dictionnaire Oxford en 2016, à la construction de la vérité au Moyen-Âge, de la théorie transcendantale chez Thomas d'Aquin, à l'orthodoxie de l'invraisemblable des doctes face à la robustesse de l'expérience des laïcs, et en passant par les interrogations de Quentin Skinner sur la vérité et l'historien. Faut-il interpréter les croyances que les acteurs du passé croyaient vraies ? Dans son cours d'introduction, Patrick Boucheron a interrogé les bases théoriques de la fiction avant de revenir sur l'archéologie de Michel Foucault et sa relation à la fiction et à Borges. « Je n'ai jamais écrit que des fictions », dit le philosophe. Il s'agit d'appréhender la fiction sous la catégorie de l'expérience. Nous le retrouvons aujourd'hui comme guide privilégié de cette enquête. En 1978, dans une interview longuement citée par Patrick Boucheron, Michel Foucault explique à propos de l'histoire de la folie, et je le cite à mon tour, « C'est donc un livre qui fonctionne comme une expérience pour celui qui l'écrit et pour celui qui le lit, beaucoup plus que comme la constatation d'une vérité historique. Or, cette expérience n'est ni vraie ni fausse. Une expérience est toujours une fiction. C'est quelque chose qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera exister après. En fait, l'expérience historique de la vérité ne cherche pas à fouiller le passé, mais à ouvrir l'avenir. Ce qui intéresse Michel Foucault, ce sont les effets de vérité, souligne l'historien. Au stimulant laboratoire de Michel Foucault s'oppose le désarroi présent face à la post-vérité, au bobard, à l'ère du trumpisme. Patrick Boucheron en profite pour distinguer le bonimenteur qui se moque de la vérité et cherche à dominer, du mensonge d'État. Le médiéviste cite Camille Desmoulins, repris par Pierre Auzan-Vallon dans son livre « Le bon gouvernement » en 2015, « Le caractère de la République est de ne rien dissimuler, de marcher droit au but, à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Où est le masque? Où est la vérité nue? Celle de la démocratie qui va droit au but, face à celle glaçante, cynique, du pouvoir totalitaire qui s'affiche sans phare. Quel rôle joue l'imagination? Patrick Boucheron reprend un autre cours de Michel Foucault, la première leçon du gouvernement des vivants, où il distingue cinq façons d'établir une relation entre l'art de gouverner et la manifestation de la vérité. La raison d'État, le principe d'évidence, l'âge de l'expertise, le dévoilement ou renversement, disons principe de Rosa Luxembourg, et la terreur ou la vérité qui glace. Mais le médiéviste note que ces cinq moments se superposent davantage qu'ils se succèdent. Il s'agit de faire porter l'effort archéologique au-delà du seuil de répulsion machiavélienne. Et nous découvrons tout cela au Collège de France le 17 janvier 2017 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui, la vérité avant, après. L'archéologie, c'est pas de révéler quelque chose d'invisible, c'est de rendre visible ce qui était déjà visible. Et c'est bien pour ça qu'on ne le voyait pas. Or, c'est très exactement ainsi que Foucault définissait la fonction de la fiction chez Maurice Blanchot dans une magnifique étude de 1966. La fiction consiste, je le cite encore, non pas à faire voir l'invisible, mais à faire voir combien est invisible l'invisibilité du visible. Ça veut dire dédoubler notre regard. Ça veut dire nous rendre étrangers à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est ça l'effort continu de Foucault, et en cela, oui, non seulement il n'a jamais écrit que des fictions, mais ces fictions étaient des fictions politiques. Et pourquoi font-ils alors d'hésiter entre fiction et roman pour désigner ce qu'il écrit ? Très tôt, il avait défini, distingué à sa manière la fable et la fiction. C'est dans un très beau texte sur Jules Verne, qui s'appelle « L'arrière-fable ». La fable est ce qui est raconté. La fiction est le régime selon lequel la fable est racontée. Je cite « la trame des rapports établis à travers le discours lui-même entre celui qui parle et ce dont il parle ». Or, il se trouve que l'histoire, telle qu'elle est écrite par les historiens, est prise dans cette trame. Michel de Certeau l'a écrit évidemment à propos du Moïse de Freud dans l'écriture de l'histoire. La tâche de l'historien consiste à contrer les effets de la fiction, mais il y a toujours un résidu fictionnel dans son discours. Est-ce que ça le fragilise ? Oui. Si l'on croit que la vérité se constate ? Non. Si l'on sait qu'elle se construit, qu'elle se façonne. Foucault ne vise pas la vérité du fait, mais l'expérience historique de la vérité. Et ce qu'il appelle l'histoire de la vérité, c'est l'histoire de la force du vrai. La force du vrai. Induire des effets de vérité avec un discours de fiction, ce qui permet de fictionner, je le cite encore, une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Fictionner une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Donc la fiction est bien un régime de production de la vérité, mais aussi une expérience, expérience de l'auteur, expérience du lecteur, expérience de la production de la vérité. Et c'est très exactement ce qu'il disait de l'histoire de la folie à l'âge classique, dans un entretien paru en 78, et que je vais me permettre de citer un peu longuement. Voilà ce qu'il disait. C'est donc un livre, l'histoire de la folie, qui fonctionne comme une expérience. Pour celui qui l'écrit et pour celui qui le lit. Beaucoup plus que comme la constatation d'une vérité historique. Pour qu'on puisse faire cette expérience à travers ce livre, il faut bien que ce qu'il dit soit vrai en termes de vérité académique, historiquement vérifiable. Ce ne peut pas être exactement un roman. Pourtant, l'essentiel ne se trouve pas dans la série de ces constatations vraies ou historiquement vérifiables, mais plutôt dans l'expérience que le livre permet de faire. Or, cette expérience n'est ni vraie ni fausse. Une expérience est toujours une fiction. C'est quelque chose qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera exister après. C'est cela le rapport difficile à la vérité, la façon dont cette dernière se trouve engagée dans une expérience qui n'est pas liée à elle et qui, jusqu'à un certain point, la détruit, ferme les guillemets. C'est donc bien comment mener une histoire de la vérité qui est en fait une histoire des effets du vrai. Cette histoire nous manque aujourd'hui parce que nous doutons de la force du vrai. Ou plus exactement parce que beaucoup de puissants doutent de la force du vrai. Au moins aurais-je compris à la lecture de Michel Foucault que j'avais écrit avec « Conjurer la peur », dont je cherchais aujourd'hui à prendre congé, une fiction politique. C'est-à-dire un texte qui fictionne une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Oui, nous sommes bien rêvés par cette belle songeuse aux yeux verts qui, en 1338, aimait par avance ce qui allait venir, pour le dire avec Michelet, au travail de cet effort de songe laborieux par lequel nous nous soulevons de la nuit au jour. C'est ça l'histoire, un songe laborieux. Et pour le reste, ben, on verra. Et si on me demande pourquoi je ne parle pas de Donald Trump, si je veux parler de Donald Trump, si on me demande pourquoi je fais des tours par des fictions politiques d'un âge révolu pour affronter l'aujourd'hui, Et pourquoi, au fond de ces fictions politiques, je ne ferais pas un roman ? Je ne saurais mieux répondre que cela. L'archéologie ne vise pas à fouiller le passé, mais à ouvrir l'avenir. Elle met au jour une vérité historique qui était rendue invisible par sa visibilité, dont les effets percutent le présent. Mais cette vérité en elle-même n'est rien si l'on n'organise pas les choses pour qu'il y ait, dans le langage, une expérience. Et c'est cette expérience que je vais tenter cette année. On ne dispose pas d'enregistrement du premier cours de Michel Foucault lors de sa seconde année d'enseignement au Collège de France, seulement de la feuille manuscrite qu'il avait sous les yeux au moment où il l'a prononcée. C'était le 24 novembre 1971, moins d'un an après sa leçon inaugurale. Cette première année de cours a été publiée en 2015 sous le titre « Théorie et institutions pénales ». On y lit ceci. « La raison d'être de ce cours, il suffit d'ouvrir les yeux. Ceux qui y répugneraient s'y trouveront dans ce que j'ai dit. » Ce qu'il avait sous les yeux à l'automne 1971, c'était la répression politique après les mouvements contestataires gauchistes et qui se marquait notamment par une importante présence policière au quartier latin. C'était une autre époque où l'on n'entrait pas ici comme aussi facilement qu'aujourd'hui. Et au fond, je pense que c'est cela, c'était l'allusion qu'il donnait ce jour-là. Qu'avons-nous aujourd'hui sous les yeux ? Puisque j'ai tenté de définir avec Michel Foucault la visée archéologique comme une manière, non pas de dévoiler héroïquement ce qui demeure invisible aux profanes, mais au contraire, je cite, « de faire voir combien est invisible l'invisibilité du visible ». Faire voir, donc, tout ce que nous ne voyons pas, précisément parce que nous sommes trop proches, parce que c'est trop familier, parce que c'est trop intimement lié à nous-mêmes. Or, cette formule, je fais là un bref résumé du chapitre précédent, à l'issue d'un long parcours théorique destiné à nous arracher, au fond, à la séduction des sirènes post-modernes du ce que j'ai appelé le pan-fictionnalisme, c'est-à-dire tout est fiction parce que tout est passé au filtre du langage qui est un artefact, j'avais proposé provisoirement une définition déflationniste de la fiction politique, prise donc dans la tension entre un pôle mimétique et un pôle axiomatique, mais aussi entre le et la politique, comme une forme narrative de théorie politique. Mais ce n'était pas tout à fait suffisant pour engager ce parcours que j'avais tenté de baliser dans la première partie de la séance, en définissant le pouvoir par sa capacité, au fond, de mise en récit et en définissant aussi la puissance fictionnelle comme ce qu'il y avait d'attirant dans la tyrannie, son pouvoir, au fond, d'imposition narrative. Puisque c'est bien de cela dont nous allons tenter de parler cette année, au fond, de notre faiblesse face à ce que l'on voit sous nos yeux se nouer, entre politique du faux et politique de la laideur, cette passion triste de la détestation de soi qui prend congé du réel au nom des réalités. Voilà ce qu'il y a d'urgent, au fond, dans cet effort archéologique qui vise non pas la vérité du fait, mais l'expérience historique de la vérité, qui ne vise pas à fouiller le passé, mais à ouvrir l'avenir. Donc, je résume toujours, nous retrouvions Foucault à ce moment-là, à partir de sa lecture des fictions de Borges, définissant les fictions comme des expériences, celles que nous faisons, des limites de nos propres savoirs, c'est-à-dire symétriquement des possibilités de notre pensée. Et voilà pourquoi l'auteur de l'histoire de la folie à l'âge classique pouvait dire « je n'ai jamais écrit des fictions », et voilà pourquoi les fictions mettent la pensée à l'épreuve du réel, voilà pourquoi elles valent d'abord comme expérience qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera exister après. En quoi ces fictions sont-elles politiques ? En ceci qu'elles relèvent le rêve michelettien d'un soulèvement, donc, il s'agit bien, à partir d'une vérité historique, de proposer la fiction d'une politique qui n'existe pas encore. Et là est la puissance prophétique, ou disons anticipatrice, de la fiction politique, et voilà ce qui peut introduire ce qui intéressait Foucault, les effets de vérité. Aujourd'hui, nous avons de sérieuses raisons de douter de la force du vrai dans nos expériences et nos existences politiques. Alors je pose à nouveau la question, qu'avons-nous sous les yeux ? Au début de chaque année, le dictionnaire Oxford distingue le mot qui aura le plus marqué l'an passé. Pour 2016, ce mot est « post-truth », la post-vérité, employé, selon les lexicographes de l'Université d'Oxford, 30 fois plus en 2016 qu'en 2015. Donc il a suscité et suscite encore aujourd'hui un immense flot d'écrits, sur Internet notamment et ailleurs. Je vous renvoie pour cela à la page Wikipédia sur « post-vérité ». Wikipédia, c'est moins une encyclopédie qu'un sismographe du contemporain. Alors, c'est assez médiocre sur les savoirs stabilisés, mais c'est incomparable sur tout ce qui bouge, tout ce qui tremble, tout ce qui est en train, sous nos yeux, justement, se façonner. Le mot « post-truth » renvoie donc à des circonstances, je cite le dictionnaire d'Oxford, dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Les faits et non la vérité. Première ambiguïté. Nous sortons de quoi ? Des faits ou de la vérité ? En anglais, post-truth politics, post-factual politics sont donnés comme synonymes. Et à partir de 2004, on a commencé à parler d'air post-factuel ou d'environnement politique post-vérité, seconde ambiguïté ou second glissement par lequel un mode de communication politique ou de propagande, hein, modeler l'opinion publique, c'est ce qu'on appelle la propagande, par des appels à l'émotion plutôt que par le recours aux faits, devient une qualification de l'époque tout entière. L'ère post-vérité. Pourquoi 2004 ? Eh bien parce que c'est le 5 février 2003, dans l'hémicycle de l'ONU, que le secrétaire d'État américain Colin Powell a brandi une petite fiole censée prouver que les Irakiens fabriquaient des armes de destruction massive, ce qui justifiait la guerre d'Irak, dite aussi Troisième guerre du Golfe. Et c'était un mensonge d'État. Les opinions publiques commençaient à en prendre conscience en 2004, ce qui allait justement alimenter la théorie du complot. Seulement, et c'est la troisième ambiguïté, le recours au mensonge ne blesse pas le concept de vérité. D'une certaine manière, il faut qu'il y ait une vérité pour qu'un menteur mente. George Bush était un menteur. Donald Trump est un bonimenteur, bullshitter en anglais. Ce qui est différent, ce qui est fondamentalement différent, et c'est de cette différence que je partirai. Le premier, le menteur, s'écarte délibérément de la vérité, mais sait que le vrai est vrai. Le second se moque de l'idée même de vérité et ne cherche qu'à dominer. Il se désintéresse de la vérité car il ne s'intéresse qu'à ses propres objectifs. Il ne s'attend pas à ce que l'on croit ce qu'il dit, il travaille à faire croire en lui. Et ce qui est, on le remarquera au passage, l'une des définitions possibles de la rhétorique dans la cité grecque. La rhétorique, c'est l'art de gouverner son auditoire par l'usage virtuose d'un rapport au monde qui est de plus en plus détaché du réel. Donc l'orateur est un menteur efficace qui contraint les autres sans s'engager dans son dire. Et celui qui n'entre pas dans ce jeu, c'est ce que les Grecs appellent le parésiaste, c'est-à-dire celui qui vise la parésia. Le courage de la vérité, comme disait Michel Foucault, à la fin de sa vie, il s'est fait l'historien proprement renversant de la parésia, c'est-à-dire de ce moment où celui qui parle se risque lui-même et engage sa relation aux autres dans le parler vrai. Ce qui fait le parler vrai, c'est donc à la fois un engagement et un rapprochement. Engagement de celui qui parle dans ce qu'il dit, rapprochement, par se dire, de ceux qui veulent bien l'écouter, d'avec le monde réel, que la rhétorique, au contraire, éloigne ou masque. C'est Démosthène contre Échine. Démosthène qu'Échine, justement, appelait le monstre. Georges Clemenceau a consacré un livre pénétrant à l'auteur des Philippiques que Pierre Rosanvallon, dans un chapitre de son récent « Le bon gouvernement », qui est intitulé « Le parler vrai », a exhumé. Démosthène, quand il parle, se livre. Et c'est cela, et ce n'est pas la technique de sa raison argumentative, c'est cela qui saisit son auditoire. L'auditoire est, je cite Clemenceau, « soulevé par la sensation de la somme de lui-même qui l'engage au combat ». Ainsi, poursuit Clemenceau, « la parole s'élève au rang d'une puissance d'action ». Donc, vous voyez que ce parler vrai ne s'oppose pas seulement à l'art du mensonge politique, ce qui est assez banal, ça a été décrit par Jonathan Swift en 1733 comme « l'art de convaincre le peuple par des faussetés nécessaires ». Ce parler vrai s'oppose à toutes les formes de déréalisation du langage politique que l'on subit aujourd'hui, par approximation, par euphémisation, par dissimulation, par indétermination. Autant d'atteintes à la franchise du langage que Camille Desmoulins, journaliste, révolutionnaire, définissait comme, justement, spécifiquement républicain. Pendant la Révolution française, je le cite, « le caractère de la République est de ne rien dissimuler, de marcher droit au but à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. » Marcher droit, une définition de la prose. On y reviendra. Voici pourquoi il convient de distinguer clairement la post-vérité du mensonge politique. C'est le philosophe américain Harry Frankfurt qui a théorisé cette distinction en 2005 dans un essai intitulé « On Bullshitter ». Alors évidemment, sa traduction en français sous le titre « De l'art de dire des conneries » ne l'a pas vraiment aidé à être reçu comme un livre sérieux. Or, Frankfurt enseigne à Princeton, c'est un spécialiste du réalisme de Descartes, enfin c'est très sérieux. Il montre que, au fond, le bullshit, Marc Bloch déjà disait le bobard dans un argot tranché. Le bullshit se mettent à l'abri de toute possibilité de réfutation, puisque, précisément, ils se posent comme indifférents au vrai, et non pas seulement comme opposés à lui, ce qui est la posture du mensonge. Et voilà ce qui désarme le plus le monde médiatique, la coïncidence entre la post-vérité et le fact-checking, c'est-à-dire l'impuissance, au fond, du journalisme de décodage ou de désintoxication. L'armée des vérificateurs n'a pas pu empêcher l'élection de l'ancien animateur de télé-réalité. Alors on pourrait croire que ce n'est qu'un débat interne au journalisme. On a beaucoup parlé du long article que Catherine Wiener, qui est rédactrice en chef du Guardian, a consacré au phénomène. Donc elle mettait en cause l'essor des réseaux sociaux et plus globalement des nouvelles technologies des médias alternatifs, parce que les médias alternatifs nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, où nous n'avons plus aucune chance d'être atteints par une autre opinion que celle que l'algorithme nous prête, en fonction de nos goûts, plus aucune chance d'être atteints par une préférence contraire à celle qu'on calcule pour nous. Bon, on se retrouve dans une réflexion, au fond, très classique, pour ne pas dire très banale, sur la crédulité, sur le complotisme, sur la société du spectacle, sur la destruction de l'analyse du fait. Alors oui, ce débat est un peu vague, un peu confus, bavard, faible. Oui, on aurait toutes les raisons de s'en désintéresser avec dédain, mais on aurait tort. D'abord parce que les intellectuels ne dérogent pas à la règle commune et sont comme tout le monde. Par exemple, Bernard Lahire a montré que, comme tout le monde, les intellectuels adorent détester la télévision, et c'est pour ça qu'ils la regardent. Bon. Et donc, comme tout le monde, au fond, ils sont aussi engagés dans cette question. Les historiens, par exemple, ont aujourd'hui exactement le même problème, c'est-à-dire qu'ils observent la baisse tendancielle du taux de profit social de leur déconstruction. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, effectivement, d'opposer à des récits mensongers une déconstruction, une désintoxication. Il faut apparemment proposer d'autres également entraînants. La question, au fond, de la télé-réalité, je ne vais pas trop y insister, mais enfin, c'est intéressant tout de même, parce que ça a prophétisé ce monde. En tant que la télé-réalité entretenait un rapport désinvolte avec la réalité. Le titre télé-réalité était évidemment ironique. Comme l'a écrit Michael Fossel, le spectacle de télé-réalité prétend se faire oublier comme théâtre en exagérant sa théâtralité. Donc on n'est pas dupe, évidemment, en regardant un spectacle de télé-réalité. De même qu'on n'est pas dupe en voyant un homme politique de la post-vérité. On ne confond pas avec la réalité. On la regarde, et voilà tout. Et ça suffit. Et il n'en demande pas plus, et c'est cela, dominer. Nous devons donc nous méfier de ceux qui opposent les faits à la post-vérité. Ce n'est pas la vérité du fait qui fonde l'action politique juste, mais notre capacité à délibérer et à imaginer. Et voilà où on retrouve les fictions politiques. Délibérer, imaginer. C'est de cela dont il sera aussi question ce matin. Hannah Arendt l'écrivait déjà dans « Du mensonge à la violence », toujours cité par Michael Fossel, « La négation délibérée de la réalité, la capacité de mentir, et la possibilité de modifier les faits, la capacité d'agir, sont intimement liées. Elles procèdent l'une et l'autre de la même source, l'imagination. » Et nous voilà donc revenus, vous l'avez compris, à la définition que je proposais des fictions politiques. Et nous voilà revenus aussi à ce constat que l'indignation morale n'entame en rien la puissance d'un gouvernement post-vérité. Il nous faut donc tenter l'archéologie du recours à la vérité dans l'exercice du pouvoir avec donc les espérances théoriques que j'avais tenté de définir la fois dernière. Et j'avais aussi dit qu'on avait un guide privilégié pour ça, c'était Foucault, alors on continue, si vous le voulez bien. Dans son cours de 1980, qui est publié en 2012 sous le titre « Du gouvernement des vivants », qui est le moment justement où il opère un passage, où il déplace son enquête du pouvoir au gouvernement pour chercher justement la manière dont celui-ci, le gouvernement, peut produire des actes de vérité, eh bien, lors de sa première leçon, Michel Foucault distinguait 5 façons d'établir une relation entre l'art de gouverner et la manifestation de la vérité. Et je vous propose de le suivre rapidement dans sa démonstration. La première façon est un principe de rationalité. L'État se fonde sur un régime propre de rationalité que l'on peut désigner sous le nom de raison d'État, que l'on désigne sous ce nom depuis le XVIe siècle. Ce qu'elle manifeste, la raison d'État, c'est la vérité de l'État comme objet de l'action gouvernementale. Oui, nous sommes au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Nous sommes avec Giovanni Botero, juriste piémontais, brillant zélateur de la contre-réforme catholique, dont je rappelle que son livre « De la raison d'État » (1589) est le premier à définir et à justifier la capacité pour un gouvernement d'agir en fonction de ses lois propres, ses lois étant déliées de la morale commune. C'est une notion, la raison d'État, que l'on prête spontanément à Machiavel, mais qui, paradoxalement, est une création de l'anti-machiavélisme, puisque Botero pense contre Machiavel. Tout contre lui, mais quand même, c'est un adversaire. Or, ce moment de l'histoire de l'État est non seulement celui de la force instituante du droit, mais dans une perspective foucauldienne, je dirais que c'est un moment de production de vérité. Donc, l'État produit sa propre vérité, et ça s'appelle la raison d'État. Puis vient ce que Foucault appelle le principe d'évidence, où le gouvernement se dissout dans l'empire de la vérité. Autrement dit, je cite Foucault, « Si les hommes gouvernaient selon les règles de l'évidence, ce ne seraient pas les hommes qui gouverneraient, ce seraient les choses elles-mêmes. » Foucault attribue le premier principe, je l'ai dit, à Botero, le second est identifié à François Quesnay, qui est l'auteur du tableau économique 1758, qui est la première représentation schématique de l'économie, le fondement de ce qu'Alain Supiot appelle le gouvernement par les nombres. C'est un moment physiocratique, donc où on pense que si tout est disponible comme ça, si les choses parlent d'elles-mêmes, alors voilà, il n'y a même plus besoin de gouverner, puisqu'on sait. Ce moment physiocratique précède donc le troisième moment saint-simonien qui se développe au XIXe siècle. Alors on voit bien comment Foucault, la périodisation foucauldienne, fait se succéder des siècles de manière très conventionnelle et aussi une litanie non propre. Ce qu'il dit ne pas faire, souvent, en fait, il le fait. C'est au cours de ce moment, le moment saint-simonien, au XIXe siècle, que se forme et s'affirme une catégorie d'individus spécialisés dans cette connaissance objective de la vérité, un tableau économique, comment le lire, qui n'est pas un savoir spécifiquement politique, mais qui est un savoir spécialisé qui s'impose à la politique. On peut les appeler des experts, mais ces experts, s'ils se disent experts, c'est, commence-t-on à croire, qu'ils ont quelque chose à cacher. Ah, c'est quelque chose que tous les intellectuels connaissent, la défiance profonde, au fond, qu'un savoir crée chez ceux qui croient ne pas le partager, alors qu'en fait, ils le partagent. C'est, mais qu'est-ce que vous cachez à vouloir tourner autour du pot comme ça. Bon. Ce n'est pas d'hier que la démocratie se méfie des experts. Voir les travaux de Paulin Ismar sur les esclaves publics à Athènes qui l'ont démontré, il y a effectivement une opposition qui est structurée entre le pouvoir de l'expertise et la démocratie. Donc, voyez le raisonnement. Il suffirait alors que tout le monde sache ce qu'il y a à savoir sur la société pour que les masques tombent et avec eux le gouvernement. Voilà pour le quatrième moment. Ce principe de la prise de conscience universelle, qui est un principe de renversement, Michel Foucault l'appelle principe de Rosa Luxembourg. Parce qu'il lui attribue cette phrase, si tout le monde savait, le régime capitaliste ne tiendrait pas 24 heures. En fait, cette phrase est apparemment introuvable chez Rosa Luxembourg. Enfin, si vous la trouvez, vous me dites. C'est Castoriadis, Cornelius Castoriadis, qui lui attribue dans l'institution imaginaire de la société. Quatrième moment. À quoi Solzhenitsyn répond ? Dans le régime socialiste, tout le monde sait ce qui se passe, et c'est cela qui fait que cela tient. L'évidence de ce qui se passe fait que rien ne bouge. Cela, cette, je cite, « conscience commune et fascinée de l'inévitable », Foucault l'appelle « principe de terreur ». Et ce cinquième principe ne porte pas de nom propre. La terreur, ce n'est pas un art de gouverner qui se cache dans ses buts, dans ses motifs et dans ses mécanismes. Je cite Foucault, « la terreur, c'est précisément la gouvernementalité à l'état nu, à l'état cynique, à l'état obscène. C'est la vérité qui glace. C'est la vérité qui se rend elle-même par son évidence, par cette évidence manifeste partout, qui se rend intangible et inévitable. Nous vivons donc à la fois dans le premier moment où l'État produit sa rationalité propre, dans le deuxième où le gouvernement se dissout dans l'empire de la vérité, dans le troisième où des experts s'en emparent pour en faire un savoir spécifique qui en impose au pouvoir, dans le quatrième, où l'on s'en méfie et où on prétend s'émanciper de cette tyrannie en dévoilant crûment la vérité cachée du système, et dans le cinquième, où la gouvernementalité impose l'éclat terrorisant d'une vérité intangible. Nous sommes dans ces cinq moments en même temps, parce que ces cinq moments foucauldiens se superposent davantage qu'ils se succèdent. Nous comprenons bien à les énoncer que notre présent est du passé sédimenté et que chacune de ces couches demeure active, même si c'est de manière plus ou moins subreptice. Par exemple, le quatrième moment foucauldien, qu'il appelle principe de Luxembourg, de Rosa Luxembourg, ben on l'appellerait volontiers aujourd'hui principe d'Edward Snowden. Puisque cette espérance révolutionnaire qui consiste à vouloir renverser le monde en révélant la vérité cachée, elle est bien réactivée par Wikileaks. Et elle risque d'être pareillement déçue, d'ailleurs, car si l'on veut poursuivre l'actualisation foucauldienne, on traduirait son principe, qui n'a pas de nom, le cinquième, le principe de terreur, mais qui était dénoncé par Solzhenitsyn, par, disons, pour rester dans le monde russe, principe de Poutine. Parce que il s'agit bien de ça, de pratiquer tranquillement, avec le sourire même parfois, une gouvernementalité à l'état nu, à l'état cynique, à l'état obscène, qui ne cache rien, qui ne cache même pas qu'elle triche, qui donne à voir frontalement cette vérité qui glace, cette vérité qui se rend intangible par son évidence manifeste. Virtus moritur, vivit visium, fides truditur in exilium, jam jus cogitur ad silentium, dolus horitur et frascoliditur incurit lex dispendium. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron dans le cadre de sa série Fiction politique, aujourd'hui La vérité avant, après. Omne vetium senset licitum secat divitum mens cupidine non in numine fidens alio quam denario cuius gratia fit propitia omnis curia previa farveli malicia. Nous devons poursuivre l'effort archéologique et percer cette croûte des seins d'État sédimentés que proposait Foucault en 1980. Puisque l'objectif que je me donne cette année est bien de me porter en deçà de ce premier moment de l'histoire des régimes de vérité que Foucault appelle celui de la rationalité propre des États. En deçà de Botero, en deçà de Machiavel. Voici pourquoi je commence à me demander, c'est à peu près la moitié de l'heure que je commence à donner un titre à ce que je suis en train de raconter, je commence à me demander s'il ne faudrait pas intituler cette séance « La vérité avant, après ». Après, nous y sommes. Avant, c'était comment ? Et est-ce que après, c'est comme avant ? Qui avait-il avant la raison d'État ? Était-ce la crédulité imposée par l'Église ? C'est en tout cas l'idée qu'on se fait d'un Moyen-Âge entièrement tétanisé par une foi obtuse et nue. Si la modernité est la philosophie du désenchantement du monde, nous devons, pour nous croire modernes, projeter sur le passé médiéval un arrière-pays de la croyance dont nous nous pensons affranchis. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il n'est pas tout à fait inutile de visiter ensemble cet arrière-pays de la croyance. Donc, je ne vais pas vous accabler à nouveau avec des problèmes de périodisation, mais disons que si on accepte celle que je proposais dans ma leçon inaugurale, donc 12e, 16e en gros, c'est bien à partir de la réforme grégorienne que s'arme une nouvelle conception de la vérité. Le pape, puisque la réforme grégorienne, ce n'est pas simplement une nouvelle doctrine pontificale de l'autorité ou un fait d'histoire disciplinaire ou doctrinale. C'est bien un nouvel ordonnancement du monde. Et comme Florian Mazel l'a montré dans un des articles publiés dans un important volume collectif « Vérité et crédibilité », « Construire la vérité dans le système de communication de l'Occident, 13e, 16e siècle », paru en 2015, volume dirigé par Jean-Philippe Genet, ce que Florian Mazel montre, c'est que Grégoire VII, à qui on attribue la réforme grégorienne, eh bien, s'affirme docteur de la vérité. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, en tout cas on lui prête en 1073 une réponse à l'évêque Wimundus, « Si tu t'avises de nous opposer la coutume, rappelle-toi que le Seigneur n'a pas dit « je suis la coutume », mais « je suis la vérité ». Et d'ailleurs, le Seigneur a dit « je suis la voie, je suis la vie, je suis la vérité ».« Via vitas veritas ». Bon. Et évidemment, puisque le pape se fait le vicaire du Christ, la réformation consiste à armer la plus puissante en date des doctrines de la vérité, dont il est dépositaire. Il est docteur de la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est moins que la vraie foi. C'est plus que la vérité du fait. C'est moins que la vraie foi, la vera fides. La vraie foi, c'est une hypostase du Christ. C'est une vérité absolue, universelle, révélée. C'est plus que la vérité du fait. La vérité du fait, c'est ce qui se constate, par exemple, en contexte judiciaire, qui est une des vérités singulières construites dans un contexte concurrentiel. Non, ce dont on parle est bien d'une conception politique de la vérité, qui renvoie à la construction des normes de la papauté réformatrice. Or, le mouvement général de cette histoire, je me répète, c'est que cette réforme grégorienne, elle échoue à conserver l'hégémonie culturelle et l'histoire des pouvoirs à partir du XIIIe siècle est celle de leur dissémination. Cette verita, cette vérité déchue, les maîtres, notamment les maîtres du studium, qui se disent aussi les maîtres de la vérité, les universitaires, s'en emparent, la relancent par la dispute, donc en font une vérité politiquement, socialement, rationnellement construite. Chez Thomas d'Aquin, le statut de la vérité, c'est-à-dire le rapport entre l'étant et le vrai, n'entame pas la théorie transcendantale de la vérité. Le vrai se trouve principalement dans l'intellect, mais principalement au sens où son principe est dans l'intellect. Mais lequel ? L'intellect humain n'est ni la source ni le lieu du vrai. L'homme n'est pas à la mesure de toute chose pour la pensée scolastique. L'étant n'est vrai qu'en rapport avec l'intellect divin. Donc, pour la philosophie thomiste, et je reprends le « qu'est-ce que le vrai » de Thomas, je le cite, « même si l'intellect humain n'était pas, les choses seraient tout de même dites vraies dans leur ordonnancement à l'intellect divin. » Ce qui est une question sérieuse en épistémologie. Les mathématiques, est-ce qu'elles existent en dehors de ceux qui les pensent? Est-ce qu'elles existent quelque part ailleurs que dans le cerveau des mathématiciens? Oui, non, c'est quelque chose de très sérieux du point de vue logique qui est posé d'emblée par Thomas d'Aquin. Donc, les choses ne sont substantiellement vraies que dans l'intellect divin, ça c'est ce qu'on appelle la vérité transcendantale, mais puisque la vérité s'accomplit chez nous, dans l'intellect humain, ça ouvre la possibilité de l'appréhension d'une vérité logique. Celle qui est étudiée dans ce même volume par Joël Biard. Et dans ce cas, c'est la proposition qui est le lieu du vrai. On dira de telle proposition, de telle phrase, de tel énoncé, c'est vrai ou pas. Donc la problématique logico-sémantique est transférée dans l'analyse de la connaissance. Et puis là, on a toute la philosophie, évidemment, du XIVe siècle. Je cavale, j'ai honte. J'espère qu'Alain de Libera ne m'écoute pas, parce que bon, mais enfin, voilà, c'est Guillaume d'Occam, c'est Jean Buridan, et c'est la possibilité, à partir du XIVe siècle, de saisir la vérité par approximation du vrai. Christophe Grélard, qui est un historien du scepticisme médiéval, a étudié ce probabilisme. On atteint la vérité par des certitudes probables, par approches successives. Par approximation, la contingence, la singularité des événements humains nous oblige à appréhender donc des croyances fragiles, mais néanmoins rationnelles, et c'est ainsi qu'on construit, qu'on approche la vérité. Et l'éthique, la politique, requiert donc pour un philosophe comme Jean Buridan, toujours au XIVe siècle, une logique propre qui n'est pas celle des sciences de la nature, qui n'est pas infaillible, qui doit faire avec l'ignorance inévitable de certaines circonstances, mais enfin, ce sont des procédures rationnelles d'approximation du vrai qui supposent, par exemple, la délibération. Nous y voilà. Et évidemment, on est dans un monde qui pense que la vérité se construit par le débat, par la dispute. C'est vrai dans les tribunaux, comme dans les universités. Donc là, on commence, vous voyez, à s'arracher à la vérité transcendantale et à avoir une conception de la vérité qui est celle du monde dont je vais parler, qui est une conception, j'allais dire, maniable, socialement maniable. Tout cela, donc, ouvre la possibilité d'une histoire sociale des régimes de vérité. Comment vont réagir les doctes ? Là, il y a un très bel article, toujours dans ce même volume, de Catherine Koenig-Pralon, qui montre que, en fait, les doctes, les savants, s'accrochent à une orthodoxie de l'invraisemblable. C'est extraordinaire comment le christianisme, dès qu'il a un dilemme devant lui, dès qu'il a une hérésie au sens propre, un choix à faire, va toujours, et on va parler d'Eucharistie dans quelques semaines, et c'est quand même le summum, va toujours choisir la solution la plus difficile à croire. La plus invraisemblable. Et c'est effectivement ce que Catherine Koenig-Pralon appelle l'orthodoxie de l'invraisemblable. Une vérité, et vous voyez, là, bon, je ne fais pas à chaque fois de clin d'œil appuyé, mais voyez tout ce qu'on reçoit de cette histoire qui paraît apparemment si lointaine. Une vérité est d'autant plus vraie qu'elle est inouïe et invraisemblable. Elle n'est pas consonante avec le sens commun, elle est opposée à ce qui paraît manifeste, et c'est même devenu un tour rhétorique pour justifier les assertions scolastiques. Chez les plus subtils, chez Maître Eckhart, par exemple, et qui remplace l'argument de la tradition, c'est « je vais vous dire quelque chose d'incroyable ». Et donc c'est vrai. La vérité théologique contredit toujours ce qui s'impose au sens et ce qui forme l'ordinaire des actions humaines. Et les prescripteurs de ce savoir qui se dérobe au sens commun, qu'est l'orthodoxie de l'invraisemblable, sont les docteurs, et ils accèdent, eux, au sens profond et caché des Écritures. Ils sont, par exemple, chez un auteur comme Henri de Gand, comparé au plongeur en apnée qui va récolter des perles dans les coquillages des profondeurs. À cette invraisemblable vérité des clercs, certains laïcs vont donc commencer à opposer la robustesse de l'expérience. Peut-être on parlera, en quelque temps, de cette expérience sociale, grandeur nature, extraordinaire, qui est documentée par le registre d'inquisition de Jacques Fournier. Vous savez, dont Emmanuel Leroy Ladurie a fait la source de son livre sur Montaillou. On est dans le premier tiers du XIVe siècle, et Jacques Fournier, inquisiteur, qui va devenir pape, eh bien, enquête sur l'extension du domaine de l'hérésie. Et il trouve témoignage de nombreuses croyances matérialistes. Certains des témoins qui l'interrogent croient que l'âme est faite de sang et de vent. Par exemple, Guillemette Benet, par exemple, Raymond Delair. On est effectivement chez des paysans, mais voilà, qui sont confondus par l'hérésie, donc qui s'expliquent. Guillemette Benet croit en Jésus, croit en ses saints, croit en leurs miracles, mais elle ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Qui t'a enseigné cette hérésie? T'as lu ça où? Mais je ne l'ai pas lu, je l'ai vu, répond-elle. Je l'ai observé. Un jour, j'ai vu mourir un enfant sans qu'une âme ne sorte de sa bouche. J'ai bien regardé, rien n'est sorti. Un jour, en revanche, je cite, hein, j'ai saigné du nez. Et donc, j'en ai conclu que l'âme était faite de sang et de vent. L'invraisemblance du dogme justifie l'empire de la doctrine et le gouvernement de ceux rares qui savent saisir cette vérité invraisemblable. Alors c'est de ça dont on devra parler aussi. Et quelle est la bonne attitude face à ça? Quelle est l'attitude de l'historien face à cette histoire de la vérité? Je partirai pour rebondir là-dessus sur un court texte de Quentin Skinner, traduit en français sous le titre « La vérité et l'historien », qui est en fait sa conférence inaugurale à Queen Mary en juin 2010, à Londres, donc d'une certaine manière ses adieux à l'école de Cambridge. Et Skinner y pose une question méthodologique essentielle. Lorsque l'historien se donne pour objet l'interprétation des croyances du passé, doit-il se préoccuper du fait que ces croyances sont, pour lui, vraies ou fausses? Alors non, bien sûr, seul lui importe la rationalité des pratiques et l'historicité des critères de cette rationalité pratique. Le problème de la vérité ne se poserait donc pas en soi à l'historien, à qui il suffit de dire qu'il interprète des croyances que les acteurs du passé ont cru vraies. Reste que Skinner, s'il accepte ce relativisme méthodologique, récuse le relativisme conceptuel, qui déstabiliserait la notion de vérité elle-même, ou qui la réduirait à l'acceptabilité rationnelle. C'est pas une question théorique, c'est une question qui se pose, par exemple, à tous les historiens des sciences aujourd'hui. C'est sérieux. C'est-à-dire, évidemment, on n'aborde pas de la même manière l'histoire des sciences quand elle fait l'histoire de ce que l'on reçoit comme vrai aujourd'hui que dans ce que l'on sait être faux. Et dans un cas comme dans l'autre, les sciences, pourtant, ne cessent d'user de fiction théorique. Je renvoie ici au beau livre de Frédéric Aït-Touati qui s'appelle « Conte de la Lune », essai sur la fiction et la science moderne, paru en 2011, qui démontre la valeur cognitive des figurations, des récits, des fables. C'est Kepler qui appelait ça des fables, notamment, effectivement, dans l'astrologie du XVIIe siècle. Cette difficulté amène donc Skinner à justifier le fait qu'il renonce à interpréter les textes comme des expressions de la croyance pour les saisir comme des actes. Ainsi, ne doit-on pas se demander ce qu'exprime un auteur, mais ce qu'il fait en disant ce qu'il dit. Et surtout, ce qu'il fait en disant ce qu'il dit de la manière dont il le dit. Ou plus précisément encore, et là je cite Skinner, ce à quoi il s'affaire en disant ce qu'il dit. Et il donne deux exemples de cette conception performative de l'interprétation. Le premier est relatif à Shakespeare. Il démontre qu'on serait bien en peine, à partir de son théâtre, qui met en scène des personnages, donc des points de vue différents et rivaux, de définir un seul engagement moral que l'on pourrait à coup sûr attribuer à Shakespeare en propre. Alors, nous allons y revenir, évidemment, et ce d'autant plus que, voilà, si je parle de Kantorowicz, ben, je parlerai de représentation, au sens à la fois théâtral et figuratif, et vous savez que le livre des deux corps du roi de Kantorowicz commence par Shakespeare. Mais on dira qu'il s'agit là de fiction théâtrale, et qu'on trouverait plus aisément des affirmations de croyance dans des traités politiques. D'où le second exemple, sur lequel, évidemment, je vais davantage me consacrer dans les minutes qui me restent. Le second exemple, il le tire du célèbre chapitre 18 du Prince, dans lequel Machiavel affirme que ceux qui veulent conserver le pouvoir doivent apprendre à imiter tantôt le lion, tantôt le renard. Vous devez donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force. La première est le propre de l'homme, la seconde des bêtes. Le prince doit donc savoir à l'occasion bien faire la bête, bene usare la bestia, et avoir l'air tantôt d'un lion, tantôt d'un renard. Comment interpréter ce passage ? Qui ressort de cette forme courante de la fiction politique qu'on appelle justement la fable, et qui a les animaux pour personnages. Qu'est-ce que ça veut dire, la fable du lion et du renard chez Machiavel ? Communément, on va dire que Machiavel affirme une croyance selon laquelle la réussite en politique dépend de la capacité à reconnaître le moment où l'usage de la force ou de la fraude devient inévitable. Mais Skinner montre que Machiavel, dans ce texte, plutôt qu'énoncer une croyance, intervient dans un débat politique. Car, au fond, il vise toute la culture humaniste qui oppose les qualités viriles aux qualités bestiales et, à travers elles, met en question ce qui la fonde, c'est-à-dire Cicéron, en fait. Il a une cible, il s'explique avec Cicéron, et notamment avec le De Officiis de Cicéron, qui, au livre 1, définit la force et la fraude comme deux manières bestiales de commettre l'injustice. Dès lors, que fait Machiavel dans cette fable ? Là, je lis le passage de Skinner, c'est assez amusant. Il cite Cicéron sur la nature de la virtus, rappelle à ses lecteurs la thèse de Cicéron, la met en question et en fait même la satire, s'opposant ainsi à un principe classique de la théorie politique humaniste, tout en proposant en même temps une analyse de la virtus où ce concept central se trouve redéfini, point, tout cela en une seule phrase. Point. Et de fait, on voit bien que la démonstration de Skinner, elle est... elle est convaincante en ce sens qu'elle est philologique, c'est-à-dire que la philologie, c'est quand même l'art de lire lentement, de laisser suspendre le sens, de voir tout ce qui est convoqué, quelle scène imaginaire, avec qui il a affaire, Cicéron, avec sa langue. On pourrait multiplier les exemples. Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini se posent la question, se rapprochent du texte, de la langue même du texte. Vous devez savoir qu'il y a deux manières de combattre. Le texte italien dit « due generazioni ». Pourquoi « generazioni » des combats ? C'est un peu étrange. C'est moins étrange si on se rapporte au texte de Cicéron, 1.34, qui parle effectivement de genre, « due genera ». Donc là, effectivement, on voit que c'est bien à Cicéron que Machiavel a affaire. On peut effectivement appuyer aussi la démonstration de Skinner, la prolonger en la rapportant à des faits. Par exemple, l'opposition de la force du lion et de la ruse du renard chez Cicéron, elle est reprise aussi par Plutarque dans sa vie de Lysandre, général Côteleux qui faisait la guerre par tromperie et surprise, car quand la peau de lion n'y suffit plus, écrit Plutarque, il y faut coudre aussi celle du renard. C'est cette peau de bête que Machiavel retourne comme un gant, si je puis dire, et l'on sait, ça c'est le fait, que lorsqu'il était lors de sa mission auprès de César Borgia, au moment de la plus grande inquiétude, il ne trouve rien de plus urgent à demander à son secrétaire qui lui envoie rapidement les vies parallèles de Plutarque. Parce qu'il cherche, dans la lecture des Antiques, de quoi se raccrocher à un réel politique qu'il ne comprend plus. Et puis il y a aussi une troisième voie, le recours à la langue, le recours aux faits, pour prolonger la proposition skinnerienne, et qui consiste à prendre appui sur les actualisations philosophiques postérieures de ces textes envisagés comme des manières de faire. Par exemple, dans son séminaire de 2002, qui est consacré à, je cite, « la bête et le souverain », Jacques Derrida, que Skinner ne cite pas, a glosé cette logique du « comme-si », qui dépasse de beaucoup l'éloge banal de la dissimulation pour déstabiliser le propre de l'homme. Machiavel, je cite Derrida, « ne dit pas que le prince est homme et bête à la fois, qu'il a une nature double, mais il n'est pas loin de le dire », écrit Derrida. En tout cas, le prince doit se comporter comme si, car ses vertus spécifiques qui forment une morale pratique de l'action, il est au prince seulement nécessaire de sembler les avoir. Donc, il ne s'agit pas uniquement de justifier une politique des apparences, mais bien de fonder une critique radicale de la faculté de juger les valeurs politiques, c'est-à-dire ultimement de déstabiliser, oui, la question de la vérité du politique, ou plus exactement de lui donner comme lieu propre un seuil d'indistinction. Alors, il conviendrait d'interroger cette logique du « comme si », faire comme si. C'est cela la fiction politique ? Dans l'avenir d'une illusion, Freud dénonçait ce qu'il appelait la philosophie du « comme si », qui consiste en l'acceptation sans croyance, je le cite, de toutes sortes d'hypothèses, dont l'absence de fondement, voire l'absurdité, nous apparaît clairement. On les appelle fictions, mais en vertu de nombreuses raisons pratiques, nous devons nous comporter comme si nous croyions à ces fictions. Tel était le cas des doctrines religieuses, vu leur importance sans égale pour le maintien des sociétés humaines. On doit faire comme si on y croyait. C'est assez banal, hein, penser, si vous avez eu des enfants, au moment où, pour des raisons pratiques, je cite Freud, ils font comme s'ils croyaient encore au Père Noël. Parce que c'est plus prudent. Parce qu'il y a un moment d'incertitude où peut-être vaut-il mieux faire comme si. Et les médiévistes peuvent parfois être bien inspirés d'en retenir la leçon. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'étudier ce bricolage de sacralité qu'expriment les rites de la religion royale, on parlera du pouvoir thaumaturgique, et notamment la pratique du sacre, où le roi, avec la complicité de l'Église, se donne à voir pour ce qu'il n'est pas. C'est un laïc comme les autres, mais il se fait oindre, et je cite Jean-Philippe Genet, d'où cette pratique institutionnalisée d'un « comme si », qui, tout en sauvegardant les intérêts respectifs des protagonistes, hein, il y a l'Église, il y a l'État, est destiné à impressionner la société politique. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Patrick Boucheron le 17 janvier 2017 dans le cadre de sa série « Fiction politique ». Aujourd'hui, la vérité avant, après. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale « Que peut l'histoire » a été publiée chez Fayard en 2016. Il conjurait la peur, Sienne 1338, essai sur la force politique des images, au Seuil en 2013. Chez le même éditeur, Patrick Boucheron a dirigé une histoire mondiale de la France en 2017. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les fictions politiques avec Patrick Boucheron et nous retrouverons Machiavel. Et dans quelques instants, Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.